Chantal Louema. Une minute pour te remarquer, une semaine envoûtée par ton charme. Une heure suspendue à tes lèvres, un an pour dépendre de toi. Toute une vie pour t'aimer, ouais. Chérie, c'est qu'il est là, Yomi, Chantal. Bébé, quand t'as joué là, ton la séduction. Notre beau mangaï, ma boucona, yo, Eldorado, balèvre, sulfureuse. Kolika, bava, yalou, foula, kari, les eaux conquérir. Chaque organe de rien d'autonangaï, pour la chaque étage, la zosa, la multiplication. Y'a deux mondes, na yo, encore. J'en veux plus, encore. Krilo, yeah. L'amour plus que c'est avec la diplomatie. Plus jamais de vie d'anglais comme un égoïsme. Le jour comme la nuit, et comme un offre de ta présence. Avoyer indépendance, colonisé à la bacalène, à la tendresse. J'en veux plus, encore. Louise, c'est bien. Yahoui, Nala, Yahoui. Pauvre manègre, un sentiment c'est plus qu'un bâtard. Et quand il s'en va, éternité à Karine Mokondi. Pendant le service, n'a qui pas qu'à l'heure. Après service, la Seigneur qu'a encore. Le besoin de toi plus fort que mon amour propre n'a coquillé. Claudia Bakisa. L'amour et la sonnerie t'a monté mon longueur. Pour toujours, là je t'aime manger comme il coulouré. Le jour comme la nuit, là comme un consommateur, il y a sentiment. Patrick Desjans. Là comme un cola, là comme un moukère lingo. Je t'aime. Encore. José Pierre. Je te veux plus. Encore. Sokoto Kaimbe. Toi qui la mamie, prouver une amie de la coquille très coquille. La bouffe à tout. Je crée beauté, j'ai dit c'est prêt à Chantal. Elles ont mérité pas de rire, festival de Cannes. Chantal, elles ont peur de. Bébé, ils aillent. Annie Dembo. Encore. Gisèle Zinda. J'en veux plus encore. Rodolphe Touma. Odenga Bakani. La moto n'a le cacaï. Oncle Rissi, ouais. Yeah. Notre papa, Pasteur Mugalo. Niozali, un aïe bonheur, aïe, un aïe mamboko. Kerenge, koniko, tchola, yé, oui, rigio, no tema. Nouvelle, koniko, éradiqué, oui, ni bon, prête à le passé. Zavananga, ya, mouvé, va qui s'amuse. Marie-Christine Pépa, Ibrahim Elach. Chanteur et accusé de réception sentiment comme une attaque terroriste, les pieds de la partie stratégique. Il s'en a eu sa gueule, il va y avoir la fin de mon seuil. Jean-Claude Baïmé. Panayo Chantal. Comment on est à la gaouille. Vous êtes nos cathés, nos cathés. Maguizanangandono. Comment on a la gaouille. Paye la gaouille. Comment on a la gaouille. Allez la gaouille. Laetitia Pelendo, Maman Bokele Junior. Benjamin Lioka. Julie Membali. Maman. C'est toi mon amour, ta André Barret, yeah. Chantal Louema, para amor na yomu, te mananga e se seda. Ataraka e jambu, nganga ma boko mayo. Roger Manja. E os anima proposendo, nganga e se kuki. Tamizinha, madiozinha, tayenga. Plus que jamais, je regrette mon favori avec conscience. Tiens-moi, amour, chérie. Linda Lusamba, Doris Lemla, Virginie Lotembe. Hugo Golondile, à Max Mbouta, souvenir of Paris. C'est un homme. Jean-Dominique Okimba. Fidel Okwa, industriel. Adolphe Mouteba. Docteur Kateba. Docteur Bombando. JP Amadi. Magistrat Piana Richard. Willy Bombito, R9. Christophe Bomolo. Fidel Babala. Dominique Kabengele.